jamais en ressortir. Moi je veux deviner, à connaître des limites, à savoir partager. Et pourquoi l'on existe? Des balais, des bancs, c'est bien joli, mais y'a des... Des balais, des bancs, c'est bien joli, mais y'a des risques. L'autre marque, Banjo, que tu fumes du H.O. Tu sois un alcoolo, moi je veux que tu comprennes. Y'a pas de couleur sous la peau. Des palmes et des bandes, c'est bien joli, mais y'a des risques. Des palmes et des bandes, c'est bien joli, mais y'a des risques. Trop de risques.